secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Saccard s'affamait, sentait ses désirs s'accroître. À voir ce ruissellement d'or qui lui glissait entre les mains. Il lui semblait qu'une mer de pièces de 20 francs s'élargissait autour de lui. De lacs devenaient océans, emplissaient l'immense horizon avec un bruit de vagues étranges, une musique métallique qui lui chatouillait le cœur. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Lorsqu'Émile Zola mourut le 29 septembre 1902, Anatole France rendit hommage à celui qui avait accompli en janvier 1898 un geste décisif dans la marche vers la réhabilitation de l'officier Alfred Dreyfus, accablé par l'iniquité. Il s'agit de l'article fameux, publié dans l'Aurore de Clémenceau, et que celui-ci titra avec une belle efficacité « J'accuse ». « Envions-le !» s'écria Anatole France. Il a honoré sa patrie et le monde par un grand acte. Il fut un moment de la conscience humaine. Il n'en serait pas moins injuste et presque insupportable que ce destin littéraire se réduisît à ce moment flamboyant. L'œuvre d'Émile Zola appelle toutes les relectures et il en existe d'autres motifs, bien d'autres motifs, par-delà l'immortalité d'un geste magnifique. Zola a jeté, en particulier, sur le capitalisme de son temps, sur ses énergies et sur ses dévergondages, une lumière d'une densité sans pareille dont l'actualité, par moments, et saisissante. Tel sera donc notre sujet d'aujourd'hui. Alain Pagès, professeur à Paris 3, la Sorbonne Nouvelle, est l'un des meilleurs connaisseurs de l'œuvre de Zola, sur laquelle il a publié un bon nombre de travaux reconnus. Je vais interroger sa compétence, soucieux d'aller débusquer dans le tableau que Zola nous offre du monde des affaires, honorables ou louches, dans quelques romans, spécialement La Curée, Peaubouille, Au bonheur des dames ou L'argent. Nous allons débusquer la trace de comportements, de mécanismes dominés ou débridés qui sont de ce temps-là et peut-être bien d'une autre. Et pour commencer, Maurice Druon, oui, Maurice Druon, qui lit une lettre d'Émile Zola. Eh bien voilà ce qu'écrivait Zola. Pendant 3 années, j'avais rassemblé des documents et ce qui dominait, ce que je trouvais sans cesse devant moi, c'était des faits orduriers, les aventures incroyables de honte et de folie, l'argent volé et les femmes vendues. Cette note de l'or et de la chair, cette note de ruissellement des millions et du bruit grandissant des orgies sonnait si haut et si continuellement que je me décidai à la donner. J'écrivis La Curée, pouvais-je me taire? La Curée, c'est la plante malsaine poussée sur le fumier impérial, c'est l'inceste grandi dans le terreau des millions. J'ai essayé avec ces monstruosités sociales de donner une idée de l'effroyable bourbier dans lequel la France se noyait. Alain Pagès, bonjour. Bonjour. Nous avons donc entendu Maurice Druon qui lisait une lettre de Zola à propos de La Curée, son roman de 1872. C'était un extrait de l'émission Le Roman Expérimental de Francis Didlot et Gilles Ange le 3 mars 1952. Vous trouvez là un résumé efficace de ce que Émile Zola a pu considérer comme un des terreaux de son œuvre? Oui, c'est une belle introduction, au fond, à ce que sera l'émission. Quand Zola écrit La Curée, il est au début des Rougon-Macquart, c'est son deuxième épisode, et il lance sans doute d'une façon très ferme ce qui sera la thématique du cycle qui va venir, 20 romans, jusqu'en 1893. 20 romans. Voilà, avec La Curée, il arrive à combiner cette réflexion sur le capitalisme débridé que vous évoquiez, et puis l'histoire de cette famille, de cette meute d'appétit appétit, comme il le dit dans La Fortune des Rougon, de ces gens sortis du peuple qui vont aller à la conquête d'un Paris qui se transforme. Alors beaucoup vont être des vaincus, des dominés, mais quelques-uns vont l'emporter, comme le fameux Saccard, ou bien Eugène Rougon, son frère, le ministre Rougon. Quand on s'attache à considérer ce que Zola a pu dire du capitalisme de son temps, il faut peut-être marquer d'abord que son milieu d'origine ne l'y conduisait pas directement. Non, Zola a toujours été au fond à l'écart des questions d'argent. Il a gagné beaucoup d'argent une fois devenu célèbre, mais il n'a jamais investi en bourse. Par exemple, il n'a jamais acheté d'actions. Il se contentait d'utiliser ses droits d'auteur. Par ailleurs, il connaissait trop bien la bourse, peut-être il l'avait étudié de trop près. Peut-être, oui. En tout cas, c'est quelqu'un qui reste à l'écart de ce flux financier, mais il le voit avec une extraordinaire lucidité dans plusieurs romans, dans La Curée que l'on vient d'évoquer, puis ensuite il ira Au bonheur des dames, et puis il y aura sans doute le grand texte sur l'argent, qui est justement ce roman qui porte ce titre. Son origine familiale, un père ingénieur italien mort prématurément. Voilà, Zola est quelqu'un qui aurait pu être le fils d'un bourgeois, d'un grand bourgeois, si son père avait vécu. Et il tombe dans la misère à partir de l'âge de 7 ans, quand son père meurt brutalement, de telle sorte qu'il a connu la misère d'une façon importante. Il échoue ensuite au baccalauréat à l'âge de 18-19 ans. Donc il connaîtra vers 20 ans, 22 ans, des années de bohème noire dans les mansardes du quartier latin parisien, de telle sorte que c'est ce peuple qu'il va évoquer dans l'Assommoire, il l'a côtoyé de près, sans aucun doute. Avec cependant assez vite l'expérience de Hachette, la pieuvre, comme on a commencé de dire, il est commis dans ce qu'est une entreprise déjà. Voilà, Hachette le tire d'affaires en quelque sorte. Il a la chance d'être employé, d'abord commis, il fait des paquets, puis ensuite il devient responsable du service de la publicité. Hachette est pour lui une école, un lieu d'éducation, il y rencontre des écrivains, et c'est là qu'il découvre le journalisme, c'est là qu'il, au fond, découvre aussi ce monde intellectuel extrêmement brillant du début du Second Empire, et c'est sans doute Hachette qui lui permet de concevoir avec une ambition forte le cycle des Rougon-Macquart à la fin du Second Empire, au moment là, en 1868 justement, où ce régime va s'effondrer. Il faut dire que l'œuvre est rédigée pour l'essentiel sous la Troisième République naissante, mais que Zola la place, la situe à la fin du Second Empire. Voilà, il a la chance, Zola, d'écrire sous la Troisième République un roman rétrospectif. Les Rougon-Macquart reviennent en arrière, donc il a une conclusion, il a une fin. Il sait que tout va se terminer par la catastrophe de Sedan. Et cette idée de la catastrophe l'anime d'un roman à l'autre pour montrer en effet comment ses appétits lâchés à la conquête du pouvoir vont évidemment arriver dans une sorte de fin qui montrera leur condamnation. Alors, il faut rappeler, Alain Pagès, que ce Second Empire, c'est le temps de l'essor d'un capitalisme très énergique, un capitalisme débridé souvent, un capitalisme de grands travaux et de banques d'affaires, marqué par le saint-simonisme et porté par des personnalités aussi importantes que les Pereire, les Rothschild, Morny et d'autres. En effet, dans l'argent, Zola est tout à fait conscient de cet aspect. Il délègue à un personnage qui est Georges Hamelin, l'ingénieur, le soin de représenter cette activité créatrice de la banque d'affaires, celle qui a pour mission de développer le monde. Hamelin est quelqu'un qui veut développer le Proche-Orient, qui, en partant d'Égypte, allant jusqu'à Beyrouth, le Liban, enfin, veut construire des routes, des chemins de fer. Napoléon III pense que le progrès économique entraînera l'amélioration du sort des masses, et tout en faisant sa gloire, naturellement, et celle de la France. Et il soutient cette politique de grands travaux, quitte à ne pas vérifier qu'une rigueur stricte entoure les procédés et les comportements des capitalistes au travail. En effet. Nous sommes, dit Zola en octobre 65, nous sommes malades de progrès et de science. Oui, et ce mot malade est tout à fait intéressant, car il est parfaitement au cœur de cette description que feront les Rougon-Macquart. La maladie, la tare, et en même temps le progrès qui, malgré tout, naîtra de ce fumier qu'est l'argent. On est au cœur de l'ambivalence qu'exprime l'œuvre d'Émile Zola. Tout à fait. C'est le temps de ce que, dans un pamphlet célèbre, Jules Ferry, avocat républicain, hostile à l'Empire, Jules Ferry a appelé les contes fantastiques d'Haussmann, en allusion évidemment aux contes fantastiques d'Hoffmann. Haussmann était le préfet qui a bouleversé complètement la capitale, qui a du coup provoqué beaucoup de mouvements d'argent. Il est moqué dans une chanson de Paul Avenel que je vais vous faire entendre. Elle est interprétée ici par Bernard Lavalette en 1961. C'est un extrait de l'émission Histoire de France par les chansons. Quand Julien fait des boulettes, c'est un bien grand pâtissier. Quand Haussmann double nos dettes, c'est un bien grand financier. Et tous les jours, il régale, comme architecte ou maçon, notre chère capitale d'un beau plat de sa façon. Ce préfet est parfait, il fait bien tout ce qu'il fait. Ainsi qu'une tarte aux pommes, il triangule un quartier. Ah, c'est le premier des hommes pour employer le mortier. S'il crée une grande artère, il passe par-dessus tout, mais en jetant tout par terre. Et lui seul reste debout. Ce préfet est parfait, il fait bien tout ce qu'il fait. Ce préfet est homme rare, mais il est fort dépensier. Édifices, rues ou squares doivent au crédit foncier. Et s'il vous amène un fleuve par un aqueduc nouveau, c'est qu'il faut qu'il nous abreuve. Payons et buvons de l'eau. Ce préfet est parfait, il fait bien tout ce qu'il veut. Ah, les contes fantastiques d'Haussmann sont très contestés. Nos députés élastiques les ont toujours adoptés. On n'a jamais vu la Chambre désapprouver ce qu'il fait. Elle dirait, ça sent l'ambre, s'il daignait lui faire un paix. Ce préfet est parfait, il fait bien tout ce qu'il fait, oui. Alors, Alain Pagès, il faut d'abord rappeler que Julien était un célèbre pâtissier du boulevard des Italiens. Et pour comprendre les allusions à la Chambre, on doit signaler que pour faire face aux dépenses qui étaient nécessitées par les travaux de la ville, on avait aliéné pendant 40 ans les revenus futurs de la ville de Paris. Ce traité qui avait été fait illégalement avec le Crédit Foncier, une des banques les plus dynamiques du temps, avait été ratifié par la Chambre, une faculté d'emprunt de 465 millions ayant été laissé à la disposition du préfet Haussmann. On est là déjà au cœur de tous ces mouvements entraînés par les grands travaux. Il y a les chemins de fer, mais il y a aussi Paris puissamment modifié. Oui, on est au cœur de ce mécanisme de la spéculation que Zola découvre parce qu'il lit beaucoup d'ouvrages qu'il informe en écrivant La Curée, sur lequel il va réfléchir à nouveau en réfléchissant à la question du grand magasin dans Bonheur des Dames. On est au cœur de ce qui le fascine, c'est-à-dire l'argent qui se multiplie d'une façon extraordinaire. Et en même temps, il y a dans cette chanson, je trouve, cet air de comédie qu'on va voir peut-être dans Peau-Bouille, qu'on va voir aussi, quand on y réfléchit, dans le personnage de Saccard, qui est un jouisseur, qui est un homme qui aime les fêtes. Et La Curée, c'est évidemment le roman qui dénonce cet arrêt du Second Empire, mais c'est aussi le roman qui met en scène cette fête extraordinaire du Second Empire. Oui, il y a toujours de l'Offenbach en arrière-plan. Il y a toujours de l'Offenbach. J'observe que c'est le temps où Mallarmé va écrire à Zola cette phrase topique, nous sommes à l'époque où la vérité devient la forme populaire de la beauté. On est entre vérité et beauté. Oui, il y a eu un beau dialogue entre Zola et Mallarmé. Mallarmé était un lecteur attentif des premiers romans de Zola. Il a écrit sur l'Assommoir de belles pages et je trouve intéressant qu'il puisse réunir le terme de beauté qui lui appartient évidemment en tant que poète et puis celui de vérité qui sera si important pour Zola tout au long de sa carrière. La quête d'une vérité et en particulier de la vérité des affaires. On pense bien sûr aussi plus tard à l'affaire Dreyfus. Ces quatre romans essentiels, La Curée, Peau-Bouille, Au bonheur des dames et L'argent. Les quatre romans essentiels pour le sujet qui nous réunit ce matin, c'est-à-dire la question du regard de Zola sur le capitalisme de son temps. Comment définiriez-vous ces quatre ouvrages ? Comme une réflexion, encore une fois, sur justement cette notion de spéculation qui à la fois implique le jeu, le fait de tout risquer dans un coup de chance qui réussit ou ne réussit pas, et en même temps, le spéculateur, Zola le voit, je pense au personnage de Saccard, comme quelqu'un qui regarde le monde, qui envisage le futur comme d'une certaine façon un créateur qui s'empare de son époque pour essayer de la dominer. Donc il y a quelque chose d'ambivalent dans la figure du spéculateur qui évidemment est condamné, mais en même temps est aussi celui qui, grâce à l'argent notamment, permet le progrès, permet le développement. Il écrit dans ses notes préparatoires à l'argent, il écrit « Ne pas opposer ce qu'on appelle notre siècle d'argent à ce qu'on nomme les siècles d'honneur, ceux d'autrefois, montrer que l'argent est devenu pour beaucoup la dignité de la vie. Il rend libre, il est l'hygiène, la propreté, la santé, presque l'intelligence. Opposer la classe aisée à la classe pauvre, puis la force irrésistible de l'argent, un levier qui soulève le monde, il n'y a que l'amour et l'argent. » Oui, ce levier, c'est ce qui le fascine et c'est cette capacité de synthèse qu'a Zola qui, en effet, ne veut pas se laisser enfermer dans une pensée qui serait purement morale, purement celle de la condamnation. Et en même temps, on trouve dans son œuvre des sévérités sur le fonctionnement, sur les dévergondages du capitalisme de son temps, en particulier celui qu'incarne Haussmann avec ses grands travaux. Et on pourrait dire la même chose des chemins de fer, qui ont été l'occasion de beaucoup de prévarications diverses. Bien sûr, il est profondément républicain. Il a été hostile au plus haut point à ce régime du Second Empire dont il est heureux que la France soit sortie. Son cycle d'Irgon-Macquart est d'abord une condamnation, bien sûr, de toutes ces arts. Il faut que nous nous attardions un instant à Alain Pagès sur cet épisode qui est fondamental, la chute de la Banque catholique, de l'Union Générale. Voilà, c'est cette chute qui est au centre de l'argent. Donc ça s'est passé en 1882, le krach de l'Union Générale. Et Zola utilise un événement de la Troisième République qu'il situe avec sa banque à lui, celle de Saccard, la Banque Universelle de l'Argent, à la fin du Second Empire. Il réfléchit d'ailleurs à cet anachronisme en se disant qu'il a au fond le droit de le faire parce que ce qu'il veut montrer, c'est un régime qui se termine, un régime qui est à l'agonie. Il veut montrer, il le dit d'ailleurs, une belle formule dans le dossier préparatoire de l'Argent, la danse sur le volcan de cette fin du Second Empire. Alors que la chute de l'Union Générale, qu'il appellera la Banque Universelle, c'est un moment où cette banque essentiellement catholique, où beaucoup de prêtres et de bonnes sœurs ont mis leur argent, fait faillite. Et c'est un événement évidemment qui est bouleversant au moment de Lehman Brothers, dont l'effondrement a tellement compté dans la crise récente. On n'a pu que faire référence à des événements tels que celui-là, que parfois on avait cru dépasser par la sophistication des systèmes financiers contemporains, mais pas du tout. Oui, c'est la question de la confiance qui est au cœur de ce que décrit Zola dans l'argent. Il montre bien combien Saccard séduit toutes sortes de personnages qui sont d'ailleurs différents. Certains ont beaucoup d'argent, d'autres n'en ont pas beaucoup et qui vont se livrer à lui. Et puis la plupart seront ruinés, quelques-uns même se suicideront. Donc ça se termine d'une manière tragique. Mais Saccard s'en sort, c'est ce qui est amusant. À la fin de l'argent, il est condamné par le tribunal, mais on lui donne la possibilité de s'exiler et il va faire de nouvelles affaires ailleurs. Alors pour nous rapprocher de ce Saccard que vous regardez Alain Pagès avec, je ne dirais pas avec tendresse, mais avec un regard équilibré, pour se rapprocher des procédés de Saccard, écoutons donc cet extrait de La Curée, dont je rappelle que c'est le roman 1872, lu ici par Jean-Pierre Lituac dans L'heure de la culture française. Nous sommes le 27 décembre 1966. Aristide Saccard avait enfin trouvé son milieu. Il s'était révélé grand spéculateur, brasseur de millions. Après le coup de maître de la rue de la Pépinière, il se lança hardiment dans la lutte qui commençait à semer Paris d'épaves honteuses et de triomphes fulgurants. D'abord, il joua à coup sûr, répétant son premier succès, achetant les immeubles qu'il savait menacer de la pioche et employant ses amis pour obtenir de grosses indemnités. Il vint un moment où il eut 5 ou 6 maisons, ces maisons qu'il regardait si étrangement autrefois comme des connaissances à lui lorsqu'il n'était qu'un pauvre agent voyé. Mais c'était là l'enfance de l'art, quand il avait usé les baux, comploté avec les locataires, volé l'État et les particuliers, la finesse n'était pas grande, et il pensait que le jeu ne valait pas la chandelle. Aussi mit-il bientôt son génie au service de besognes plus compliquées. Saccard inventa d'abord le tour des achats d'immeubles faits sous le manteau pour le compte de la ville. Une décision du Conseil d'État créait à cette dernière une situation difficile. Elle avait acheté à l'amiable un grand nombre de maisons, espérant user les baux et congédier les locataires sans indemnité. Mais ces acquisitions furent considérées comme de véritables expropriations, et elle dut payer. Ce fut alors que Saccard offrit d'être le prête-nom de la ville. Il achetait, usait les baux, et, moyennant un pot de vin, livrait l'immeuble au moment fixé. Et même, il finit par jouer double jeu. Il achetait pour la ville et pour le préfet. Quand l'affaire était par trop tentante, il escamotait la maison. L'État payait. On récompensa ses complaisances en lui concédant des bouts de rue, des carrefours projetés qu'il rétrocédait avant même que la voie nouvelle fût commencée. C'était un jeu féroce. On jouait sur les quartiers à bâtir comme on joue sur un titre de rente. Certaines dames, de jolies filles, amies intimes de hauts fonctionnaires étaient de la partie. Une d'elles, dont les dents blanches sont célèbres, a croqué à plusieurs reprises des rues entières. Saccard s'affamait, sentait ses désirs s'accroître, à voir ce ruissellement d'or qui lui glissait entre les mains. Il lui semblait qu'une mer de pièces de 20 francs s'élargissait autour de lui, de lacs devenaient océans, emplissaient l'immense horizon avec un bruit de vagues étranges, une musique métallique qui lui chatouillait le cœur. Et il s'aventurait, nageur plus hardi chaque jour, plongeant, reparaissant, tantôt sur le dos, tantôt sur le ventre, traversant cette immensité par les temps clairs et par les orages, comptant sur ses forces et son adresse pour ne jamais aller au fond. Belle métaphore, Alain Pagès. Magnifique. Zola sait expliquer par le jeu de la métaphore le mécanisme de la spéculation. Le texte commence par des explications techniques qui, sans doute d'ailleurs, dépassent le lecteur, tout lecteur, mais ensuite s'éclaircit grâce au jeu de l'image et de la métaphore. Ce qu'il y a d'intéressant dans le personnage de Saccard, tel que Zola le voit, c'est qu'il est un joueur, quelqu'un qui risque, donc il y a un certain courage chez Saccard, et c'est quelqu'un qui voit l'avenir. S'il peut faire ce travail de spéculation, c'est que, beaucoup plus que d'autres, il a été capable, justement, d'imaginer ce que serait le Paris futur. Il y a un passage au début de La Curée qui le montre dans un restaurant de Montmartre, il est avec sa femme Angèle qui va mourir, et on le voit découpant la ville, découpant les quartiers, et qu'il va dévorer, justement. C'est une sorte de jeu de Monopoly. C'est un jeu de Monopoly. Et qui annonce, en vérité, une autre période, je pense, au début des années 60 ou 70, où la spéculation foncière à Paris a joué un rôle essentiel et a provoqué un certain nombre de scandales et suscité un certain nombre de dynamisme. Sans aucun doute. Il y a là encore une actualité de la curée ou de l'argent, en effet, sur une période qui est déjà passée, mais qui est tout proche de nous. Je me réfère à un très beau livre d'Henri Mitran, avec un seul air, qui est le grand spécialiste de Zola dans la génération qui précède la vôtre, Alain Pagès, qui s'appelle « Le Paris de Zola ». Vous avez vous-même repris d'ailleurs ce thème dans un ouvrage d'apparence plus modeste, mais également très pertinent. Paris, c'est donc le Paris d'Haussmann, tel qu'on peut le décrire grâce à Zola, le Paris des impressionnistes. Et ce qu'il est intéressant de montrer, c'est combien Zola a parcouru dans son existence tous les quartiers de Paris, d'une certaine façon. Jeune, misérable, il vit dans des mansardes du quartier latin, dont il gardera, cela dit, un souvenir nostalgique. Et puis il bascule rive droite, il s'installe au Batignolles, qui est un lieu où l'on trouve le calme pour l'écriture. Et puis son lieu d'élection, finalement, ce sera le 9e arrondissement autour de la place Clichy. Il s'installera à partir de 1889 rue de Bruxelles dans un bel hôtel particulier qui sera sa demeure, sa dernière demeure. C'est plus bourgeois. C'est beaucoup plus bourgeois. C'est là qu'il meurt dans des conditions qui sont demeurées mystérieuses. C'est là qu'il meurt en effet le 29 septembre 1902 dans des conditions sur lesquelles on peut s'interroger. L'enquête que j'ai faite dans le Guy d'Émile Zola avec Owen Morgan montre que quand on s'interroge sur l'identité du personnage qui un jour a avoué qu'il avait assassiné Zola, le fameux Henri Buron-Fosse, qui était un membre de la Ligue des Patriotes, eh bien on découvre un personnage qui est troublant. Il était membre du service d'ordre de la Ligue des Patriotes et cette révélation qu'il a faite 25 ans après la mort de Zola est tout à fait vraisemblable, bien qu'on n'ait pas de preuves absolument certaines de cet assassinat ou de cette tentative d'assassinat. En tout cas, on peut considérer que Zola a sans doute été victime de son engagement dans l'affaire Dreyfus, victime de ceux qui le haïssaient parce qu'il avait écrit « J'accuse » ce pamphlet contre l'armée. Alors revenons au moment où il va découvrir la bourse, parce que c'est un homme qui va toujours faire des enquêtes très poussées avant d'écrire des romans. On a publié relativement récemment ces carnets d'enquêtes qui sont très révélateurs dans la fameuse collection de Jean Mallory, Terre humaine. En avril 1890, il visite la bourse et voici ce qu'il écrit. « Cette visite m'a suffi », il le dit à un journaliste. En une heure, on peut examiner, comprendre tout ce qui s'y passe. Une heure, c'est rapide. Il est d'abord frappé par la saleté du lieu. Le dallage est en marbre ou en pierre, blanc et noir. Beaucoup de débris de papier, un vrai fumier, crachat, boue, humidité les jours de pluie, les parapluies qui s'égouttent. Ce qui frappe partout, c'est la crasse noire, polie, luisante, dont les murs sont partout enduits, à hauteur d'homme. Les colonnes et les murs de la salle, les murs de l'escalier et des couloirs, partout. L'aspect d'une salle d'attente de première classe dans une grande gare. Le lieu focal de l'argent au travail n'est pas très ragoûtant chez Zola. Non, c'est une vision du détail, une vision impressionniste. Il sent l'atmosphère. Comme il le dit, il n'a pas besoin de s'attarder trop longtemps dans ce lieu. Il suffit qu'il le regarde. Ensuite, il lit. Hein, il lit beaucoup d'ouvrages sur les coulissiers, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire ceux qui travaillent auprès des agents de change. Et puis, il enquête en interrogeant un certain nombre d'informateurs. Je crois que le monde de la bourse est un des mondes les plus étrangers qui soit pour lui quand il s'y intéresse. C'est quelqu'un qui ne place pas son argent en bourse à cette époque. Donc, il a vraiment besoin de le découvrir. Et quand il travaille sur l'argent, les dialogues qu'il a avec ses informateurs, avec Eugène Fasquelle, qui sera plus tard son éditeur et qui a travaillé auprès d'un agent de change, avec un banquier qui s'appelle Georges Lévy, sont tout à fait importants. Hein, et il prend auprès d'eux une source directe d'information. Il y a une question qu'il faut aborder de front, qui est intéressante dans la psychologie de cette époque, la manière dont Zola voit le capitalisme juif, la banque juive, en particulier Rothschild, puisque il est transposé de façon tout à fait limpide dans le personnage de Gundermann, Baron Gundermann également. Et pour donner la tonalité, après vous nous direz, Alain Pagès, ce que vous pensez de cela, du côté d'un homme qui a été ensuite un héros, deux orthographes du terme, AUT et OS de la lutte contre l'antisémitisme à l'occasion de l'affaire Dreyfus, comme nous l'avons déjà dit. Écoutons cet extrait de L'Argent, donc en 1891. C'est une lecture de Renaud Marie dans Les Lundis de l'Histoire de Jacques Le Goff, le 29 janvier 1968. Et naturellement, c'était sur France Culture. Le baron recevait les agents de change et leurs employés dans une grande pièce située à l'entresol. Ses trois fils travaillaient avec lui dans la même pièce. Il faut s'imaginer le tapage véritablement infernal, le désordre plein d'ahurissement au milieu duquel le baron de Rothschild trouvait le moyen de traiter chaque jour et sans un instant de répit les opérations financières les plus colossales. Dès le matin, à peine y étaient-ils installés tous quatre, c'était habituellement vers 9 ou 10 heures, la procession commençait. C'était d'abord les agents de change venant solliciter les ordres. Puis, quelques heures plus tard, leurs commis, les courtiers de change et les courtiers marrons. Le défilé durait jusqu'à la fin de la bourse, c'est-à-dire vers 4 heures. Le vieux baron se croyait obligé de recevoir tous ces gens maussades, affairés, d'une banalité parfois écœurante, presque tous obséquieux d'attitude, plats dans leurs sollicitations, serviles dans leurs flatteries. Se renversant dans son fauteuil, il prenait d'une main distraite la cote que chacun de ces êtres peu intéressants qui défilaient tour à tour devant son bureau et dont j'avais l'ennui de faire partie lui tendait, et y jetait à peine un coup d'œil. L'assourdissante et sempiternelle cacophonie, le vacarme incessant produit par le battement des portes, le va-et-vient des employés apportant des dépêches ou demandant des signatures, les obsessions des commis d'agents de change et des courtiers sollicitant des ordres, n'ajoutait pas peu au tapage et au tumulte. D'habitude, il était en affaire, du moins avec ses inférieurs, d'une brutalité qui passait les bornes. « Vous m'empêtez, ça n'est pas frais, fichez-moi la paix! Ah, vous voilà, vous sacré folleur de juif allemand !» dit-il un jour à l'un de ses coreligionnaires courtiers de change. La réponse que fit au baron de Rothschild, l'agent de change Manuel, est restée célèbre à la bourse. Manuel, entrant dans le cabinet du banquier, lui dit « « Bonjour, baron. Comment vous portez-vous »« Qu'est-ce que cela vous fait ?» répliqua l'autre. Alors Manuel, enfonçant son chapeau sur sa tête, « Vous avez bien raison, répondit-il, et vous pourriez bien crever pendant que je suis là sans que je m'en soucie plus que d'un chien. » D'autres fois, c'était de hauts administrateurs, des ministres de l'empereur eux-mêmes qui étaient reçus ainsi debout dans cette pièce publique comme une place emplie d'un vacarme d'enfants. Et là s'affirmait la royauté universelle de cet homme qui avait des ambassadeurs à lui dans toutes les cours du monde, des consuls dans toutes les provinces, des agences dans toutes les villes et des vaisseaux sur toutes les mers. Il n'était point un spéculateur, un capitaine d'aventure manœuvrant les millions des autres, rêvant à l'exemple de Saccard des combats héroïques où il vaincrait, où il gagnerait pour lui un colossal butin grâce à l'aide de l'or mercenaire engagé sous ses ordres. Il était, comme il le disait avec bonhomie, un simple marchand d'argent, le plus habile, le plus zélé qui pût être. Seulement, pour asseoir sa puissance, il lui fallait bien dominer la bourse. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Gundermann est directement inspiré de ce baron James de Rothschild. Zola lui donne son goût pour les antiquités, son rôle de patriarche dans la tribu familiale, la rigueur, l'obstination, la froideur calculatrice, la haine du jeu aussi, qui ont permis aux fondateurs de la branche parisienne des Rothschild de venir à bout de ses adversaires, en particulier les Pereire, un temps flamboyant sur la place. Le modèle de Gundermann, Rothschild, pose la question qui est au centre de l'argent, la relation à la question juive. C'est ainsi que Zola s'exprime quand il évoque ce problème dans son dossier préparatoire. Le mot d'antisémitisme n'existe pas encore d'ailleurs dans la langue française, il n'est pas vraiment disponible, donc il ne peut pas penser la question de l'antisémitisme avec ce terme qui ne surgira que un peu plus tard. Et il réfléchit à la question juive et en même temps il se dit qu'elle réduirait son projet s'il se limitait à cette question-là. Donc c'est pourquoi il a cette vision globale de l'argent qui est au centre de son roman. Alors est-ce que l'argent est un roman antisémite ? Pour un lecteur d'aujourd'hui, évidemment, on est choqué par l'accumulation de stéréotypes descriptifs qui d'ailleurs portent plutôt sur des personnages secondaires. Oui, le banquier Cole, par exemple, voilà. Fondeur d'or, décrit comme voilà. Un homme petit, très brun, dont le nez en bec d'aigle, sortant d'une grande barbe, décelait l'origine juive. Exactement, mais vous remarquerez que Gundermann justement échappe à cette description stéréotypique. Il est plutôt décrit dans les traits d'un personnage calme, sûr de lui, qui ressemble par son austérité plus à un banquier, au fond d'origine protestante, qu'à un banquier qui serait justement marqué par cette description antisémite. Alors, dans l'argent, Saccard exprime la parole de celui qui est vaincu à la fin. Et évidemment, l'antisémitisme de Saccard est très fort au début du roman, à la fin du roman. Il évoque sa haine du juif. Tout cela, c'est le discours d'un personnage de roman. Zola met en scène ce discours parce qu'il pense qu'il est nécessaire. Mais à côté de Saccard, il y a la parole de la sagesse, celle de Madame Caroline, la collaboratrice de Saccard, qui s'oppose à cette parole antisémite et qui dit que les Juifs, ce sont des gens comme les autres et qu'elle ne voit pas pourquoi on les attaquerait. Donc la leçon de l'argent n'est pas du tout une leçon donnerait crédit à la pensée antisémite. La preuve, d'ailleurs, c'est que quelques années plus tard, mais très vite, en 1896, quand Zola écrit dans le Figaro ce magnifique article qui s'appelle « Pour les Juifs », dans le raisonnement qu'il fait, en disant que l'antisémitisme est la chose la plus abominable qui soit, qui nous ramènerait à la barbarie des guerres de religion, eh bien, il évoque ce roman, l'argent, qui a été ce dossier qui lui a permis de réfléchir à cette question. Un roman qui est fondé dans sa dynamique sur le combat entre deux puissances financières, c'est-à-dire la banque nationaliste et catholique, on en parlait tout à l'heure, opposée au pouvoir juif international, comme il dit. Je crois que Zola, qui d'ailleurs est tributaire aussi de sources qui sont marquées par l'idéologie antisémite, arrive à s'écarter de certaines de ces sources, notamment parce qu'il montre que le mécanisme qui conduit Saccard à la défaite est un mécanisme qui n'est pas simplement le fait qu'il ait été attaqué par cette banque juive, mais aussi parce qu'il a commis lui-même des erreurs, qu'il a racheté ses actions, bref, qu'il est victime en tant que spéculateur de sa propre folie. Vu d'aujourd'hui, on aperçoit des représentations qui méritent d'être également considérées. Oui, le personnage qui est au centre d'un réseau d'influence important. Ce qui est intéressant dans l'extrait que l'on vient d'entendre, c'est de voir que Gundermann est à la fois celui qui est d'une grande autorité, et en même temps qui sait, grâce à ces puissants auxquels il est allié, dominer la bourse, dominer le monde. Et ce qui est important, c'est ce pouvoir de domination qui est au fondement de sa puissance. puissance. Plus l'idée que le personnel politique est soumis à ces grands capitalistes, on le voit dans l'extrait, dans la citation. Exactement, et ça c'est très moderne. Ouais, ouais. C'est parmi les mythologies probablement, non ? Alors, voilà, mais si l'actualité d'aujourd'hui nous permet de donner un certain sens à ce texte d'autrefois, pourquoi pas ? Alors, je voudrais maintenant que nous en venions à un autre domaine qui est très actuel, qui est celui de l'extension de ce que nous appellerions aujourd'hui les grandes surfaces, et qui sont à l'époque les grands magasins, car cela a été une curiosité constante de Zola, Gérard Philippe et Daniel Darieux. Un extrait du film Peaubouille de Julien Duvivier. Voulez-vous venir dans mon bureau que nous voyons un peu les commandes de la semaine ? À vos ordres. Un mètre ? C'est juste 1m50. Personne ne nous dérangera. Voici l'état de ce qui nous reste en magasin. Si nous avions plus de place. Ça dépend de vous. De moi ? Mais j'ai depuis quelque temps une idée, mais je n'osais pas vous en parler. Dites toujours. La maison voisine est à vendre. Achetez-la, donnez congé au locataire de l'immeuble, édifiez un magasin de 4 étages et vous tuerez le petit commerce. Ce n'est pas si simple. Au lieu de vendre peu, mais cher, renversez la formule. Vendre beaucoup, mais bon marché. La maison de soirée de M. Vabre vous fait concurrence. Créez un rayon spécial et avant 5 ans, vous le mettez en faillite. Mais la maison Vabre est vieille et solide. Fini les vieilles maisons. Il faut précipiter leur agonie. Précipiter leur agonie ? Quelle cruauté ! Oh, nous sommes jeunes, pas de pitié. Vous avez surtout les dents longues. Et je m'en flatte. Les boutiques sombres, écrasées sous des plafonds enfumés, où l'on vend dans les ténèbres d'obscures marchandises, ont fait leur temps. Nous devons préparer le 20e siècle. Vous avez de bons yeux. Vous voyez grand et loin. Elles vont une cité dans la ville, un palais de la femme. Que toutes celles qui entrent ici, les mains vides et le porte-monnaie plein. En sorte les mains pleines et le porte-monnaie vide. Oui, vous me l'avez déjà dit. Parfaitement. Et pour cela, il faut les éblouir, les griser de lumière, les saouler de marchandises, afin que, affolées, perdant la tête, elles succombent à la tentation. Quelle éloquence ! Vous êtes le poète lyrique de la bonne esprit. Ah, les femmes, croyez-moi, c'est mon rayon. Je commence à le craindre. Alors, Alain Pagès, est-ce que ceci vous paraît actuel ? Ce portrait de la naissance des grands magasins qui est fait dans Au bonheur des dames, enfin là on vient d'entendre Peaubouille, c'est le moment de transition entre les deux romans, de Peaubouille au bonheur des dames, je le trouve extraordinaire, je le trouve d'une grande actualité, et le personnage de Mouret, par ailleurs, qui est patron, qui sera le patron du bonheur des dames, il va utiliser l'argent de Madame Edouin, qu'on vient d'entendre, là, interprété par Daniel Darieux. Le personnage de Mouret est une sorte de Saccard, mais de Saccard plus joyeux, plus jeune, plus dynamique, qui aime les femmes d'une façon extraordinaire, qui va les séduire avec ce grand magasin d'au bonheur des dames. Il le dit dans son, il le dit dans l'extrait. Il le dit tout à fait, il a un programme extrêmement clair, mais qui sera ensuite, et c'est la leçon du roman Au bonheur des dames, dominé par Denise, celle dont il tombera amoureux et qui, à la fin, d'une certaine façon, imposera sa loi. Mais le personnage de Mouret a étudié de près la mécanique financière des banques avant de se mêler, de moderniser le commerce avec le grand magasin. Il voit le rôle joué par les grandes banques, l'importance de la production à grande échelle. Il s'inspire de cela. Il y a un banquier d'ailleurs qui s'appelle Hartmann dans Au bonheur des dames qui joue un peu un rôle comparable à Gundermann un peu plus tard. C'est-à-dire que Zola voit très bien que le développement des grands magasins, c'est aussi une affaire de spéculation, c'est-à-dire de projection dans le futur, de jeu avec des capitaux. Et ce qui est courageux d'une certaine façon dans l'entreprise de Mouret, c'est que chaque fois il met en question son capital en espérant que ça va marcher. Donc il risque tout à chaque étape de la croissance de son grand magasin. Courageux mais sans pitié pour les petits commerces alentours. L'expulsion de Bourras, qui est un vieil artisan du bois et qui tient un commerce de parapluies, on retrouve un certain nombre de naufrages de petits commerces qui viennent faire, parfois créer des déserts au centre de nos villes contemporaines. Zola arrive, et c'est ça qui est fort au fond dans Au bonheur des dames, à montrer exactement ce que chacun des deux sortes d'acteurs peut vivre. Et c'est au lecteur ensuite à tirer la leçon de cette description qui est faite. C'est toujours cette idée de l'ambivalence de l'argent. Il écrit au même moment « L'argent, mot étrangement élastique et dont la multiple signification m'échappe. » On est en 1890, c'est une interview au Figaro. L'argent, titre énorme et qui doit embrasser, énumérer, comprendre, expliquer, définir, analyser et synthétiser hommes et choses de l'agio, des affaires et de la bourse. C'est toute une initiation pour moi, une éducation à faire. On trouve vraiment cette ambivalence d'une attitude du romancier par rapport aux choses du capitalisme en développement et de l'argent. Bien évidemment, et il sait qu'il pourrait condamner, se contenter d'une sorte de vision morale, et en même temps, il essaie constamment de penser le futur, le progrès. Cette idée qu'il a sans doute héritée aussi de son père, l'ingénieur François Zola, qui était un homme qui a construit des chemins de fer, qui a essayé d'aménager le port de Marseille, qui ensuite réussira à mettre en place un grand barrage à Aix-en-Provence pour amener les eaux de la montagne à la ville. Donc, il est aussi l'héritier de cet ingénieur saint-simonien qui était son père. Oui, mais on retrouve déjà cette opposition qui est toujours vivante entre le monde de l'industrie et le monde de la banque. Bien sûr, et dans l'argent, elle est d'ailleurs manifestée par l'opposition entre, d'une part, Saccard, le banquier, bien sûr, et puis Hamelin, le constructeur, l'homme qui va vouloir développer, grâce à ses capitaux, le Proche-Orient, et qui va vouloir conquérir le monde, mais pour l'aménager, pour l'améliorer, pour le mettre en place. Hamelin, c'est l'Esseps aussi. C'est voilà, Hamelin, c'est exactement l'Esseps, c'est le canal de Suez. D'ailleurs, le canal de Suez est évoqué dans l'argent. Il est d'ailleurs intéressant, Alain Pagès, d'observer que dès cette époque, Zola était critiqué sur sa gauche. On l'oublie un peu parce qu'il a pris ensuite, au moment de l'affaire Dreyfus, la figure que nous savons, la figure flamboyante du combattant pour l'innocenter, celui qui était condamné de façon inique. Mais quand il publie l'argent, il est critiqué très vivement par Paul Lafargue, le gendre de Marx, journaliste, essayiste, qui, dans la presse allemande, décrit « Un roman de ce genre impose à l'auteur une tâche bien plus difficile que les histoires habituelles d'amour et d'adultère de nos littérateurs du jour. Styliste sans doute accompli, niais d'une ignorance extraordinaire quant aux phénomènes et événements de la vie quotidienne qu'il prétend décrire. Pour écrire un tel roman, et pour l'écrire comme il le faudrait, l'auteur devrait avoir vécu dans le voisinage immédiat d'un de ces colosses économiques, pénétrer son être intime, sentit dans sa propre chair les griffes et les morsures du monstre. Il devrait avoir frémi de colère à la vue des horreurs dont il est la cause. Un pareil auteur n'a pas existé jusqu'ici. Il nous semble même impossible qu'il existe. » Lafargue voit bien ce qu'il y a dans l'écriture de Zola, la force qui consiste à représenter le capitalisme sous les traits d'un monstre, hein, d'un Moloch qui va dévorer les populations dont il s'empare. Je pense à l'image de la mine du Voreux dans Germinal, et puis évidemment à cette bourse qui est un monstre et qui est bien décrite ainsi dans l'argent. À Semoir, 1877, le roman est situé encore sous le Second Empire, des débuts du mouvement ouvrier, avec Manifeste des 60, rédigé par Tolin, figure du mouvement syndical et socialiste français, qui réclame l'émancipation sociale pour les ouvriers, l'autorisation, toujours en 1864, des coalitions et de la grève, la première association internationale des travailleurs. À tout cela, Zola est attentif autant qu'à la marche des affaires et des grands entrepreneurs. Avec la Semoir, il décrit le monde des artisans, un monde d'ouvriers ou d'artisans qui vit dans une périphérie de Paris, qui correspond un peu à ce que serait la banlieue aujourd'hui. Ce sont des immigrés, au fond, ils arrivent de province, ils sont là dans des logements insalubres, ils ont à peine de quoi gagner leur vie. Et il a, je crois, ce génie extraordinaire de mettre au cœur de son roman, au centre de son roman, une femme, un personnage de femme, une blanchisseuse, Gervaise. Et donc il arrive à la fois à décrire la condition ouvrière et en même temps la condition féminine, cette femme qui se bat, qui gagne progressivement de quoi mettre en place sa blanchisserie, qui à un moment domine au fond, et puis qui va être peu à peu vaincue par la fatalité, vaincue par ce déterminisme extraordinaire que les Rougon-Macquart décrivent constamment, vaincue par l'alcoolisme. C'est la dénonciation de ce qui apparaît apparaissait aux médecins de l'époque comme étant la maladie épouvantable dont souffrait la classe ouvrière. Donc c'est un grand roman, L'Assommoir, qui permet à Zola de réfléchir à la question sociale, à la question du peuple, en mettant en scène notamment ce qu'il ne fera pas ensuite dans Germinal, c'est peut-être un peu dommage, la parole, hein, la parole populaire. La force stylistique de L'Assommoir, c'est ce langage issu de l'argot qui imprègne progressivement la description et qui donne véritablement au lecteur, en tout cas, la vision de ce que pouvait être le peuple de Paris dans ces années 1850-1860. J'aime les récits âpres et vrais qui fouillent hardiment en pleine nature humaine. Oui, sans concession. D'ailleurs, la critique républicaine dénoncera L'Assommoir comme un roman anti-peuple. Zola, à ce moment, reste évidemment d'une grande neutralité. Il veut montrer les plaies, comme vous le dites. Il veut dresser un procès verbal. Et, ce n'est pas un doctrinaire. Voilà, c'est pas un doctrinaire. Hein. Vraiment, on est au début de cette réflexion qui prendra une ampleur considérable, comme on vient de le dire, au cours des années qui vont venir. On est là au début, devant le procès verbal, mais en même temps, avec un personnage qui est vu d'une manière extrêmement sympathique. La force de L'Assommoir, c'est que Zola adhère à ce personnage de Gervaise, qu'il nous l'a fait aimer et il nous l'a fait comprendre, y compris dans ses faiblesses et dans ses errements. D'ailleurs, dans sa vie privée, d'une certaine façon, je dirais presque métaphoriquement, il traduit cette ambivalence entre Alexandrine, d'une part, qui était à ses côtés quand il a été asphyxié, qui a survécu. On a d'ailleurs récemment publié une correspondance très intéressante entre Émile Zola et Alexandrine, et d'autre part, la mère de ses enfants, qui elle-même est une lingère, c'est pas une blanchisseuse, c'est une lingère. Oui, bon, sans doute, la double vie de Zola mérite d'être évoquée. J'ai édité avec Brigitte Émile Zola les lettres à Alexandrine chez Gallimard en 2014. Elle montre en tout cas la force du lien qui a uni Zola et Alexandrine tout au long de leur existence, et notamment dans les années les plus difficiles qui sont celles du combat de l'affaire Dreyfus. Elle montre que Zola est resté fidèle à cette femme jusqu'à la fin et qui lui a demandé d'accepter ce qui a été le grand bouleversement de son existence en 1888, la rencontre d'une jeune femme beaucoup plus jeune que lui, dont il voulait qu'elle lui donne des enfants. C'est la raison pour laquelle il a aimé Jeanne Rosereau. Elle a accepté cela avec courage, Alexandrine, et plus tard, après la mort de Zola, elle reconnaîtra les enfants de Zola et de Jeanne en leur donnant le nom que Zola souhaitait pour ses enfants, le nom de Émile Zola. Alors Germinal, il faut également en dire un mot parce que c'est un autre regard sur les effets du capitalisme, peu de temps avant la catastrophe de Courrières. C'est Clémenceau qui disait qu'au fond, le drame de Courrières et des grandes mines, c'est que les patrons présents n'étaient plus que les délégués d'abstractions distantes. On le voit ça déjà très nettement dans Germinal. Tout à fait. Ce que Zola montre, c'est qu'il y a les directeurs, les patrons immédiats, mais que les donneurs d'ordre, comme on dirait aujourd'hui, sont lointains et c'est de cela que sont victimes les mineurs de Germinal. Germinal est un roman extraordinaire. C'est la deuxième étape de la réflexion que Zola conduit sur le peuple. Il y a eu L'Assommoir précédemment. Vient le roman beaucoup plus sérieux qu'est Germinal en 1885, où Zola arrive à combiner deux idées. D'une part, la description de la grève et puis l'étude de la catastrophe. Ce roman est double à cet égard. Et je pense que à la fois sur le problème de la grève et sur le problème de la catastrophe minière, au fond, la vision du capitalisme que donne Germinal est extrêmement précise et lucide. Il annonce 15 ans à l'avance les milliers de morts de la catastrophe de Courrières. Exactement. Et que nous dit-il sur le poids de l'argent qui agit à distance sur le fonctionnement de ces sources d'énergie ? Que cet argent est impitoyable, que ces mineurs à qui on impose des salaires de plus en plus bas, de plus en plus faibles, sont condamnés à la misère, à la faim et à la mort, d'une certaine façon, puisque ensuite ils seront victimes de cette catastrophe qui va les engloutir. Un extrait de Germinal, lu par Roger Blin dans l'analyse spectrale de l'Occident, de Pierre Cipriot, une émission naguère fameuse, du 12 novembre 1966. Dès lors, Étienne chevauchait sa question favorite, l'attribution des instruments de travail à la collectivité, ainsi qu'il le répétait en une phrase dont la barbarie le grattait délicieusement. Chez lui, à cette heure, l'évolution était complète. parti de la fraternité attendrie des catéchumènes, du besoin de réformer le salariat, il aboutissait à l'idée politique de le supprimer. Depuis la réunion du Bon Joyeux, son collectivisme, encore humanitaire et sans formule, s'était raidi en un programme compliqué, dont il discutait scientifiquement chaque article. D'abord, il posait que la liberté ne pouvait être obtenue que par la destruction de l'État. Puis, quand le peuple se serait emparé du gouvernement, les réformes commenceraient. Retour à la communauté primitive, substitution d'une famille égalitaire et libre à la famille morale et oppressive, égalité absolue, civile, politique et économique, garantie de l'indépendance individuelle grâce à la possession et au produit intégral des outils du travail. Enfin, instruction professionnelle et gratuite payée par la collectivité. Cela entraînait une refonte totale de la vieille société pourrie. Il attaquait le mariage, le droit de tester. Il réglementait la fortune de chacun. Il jetait bas le monument inique des siècles morts d'un grand geste de son bras, toujours le même, le geste du faucheur qui rase la moisson mûre. Et il reconstruisait ensuite de l'autre main. Il bâtissait la future humanité, l'édifice de vérité et de justice, grandissant dans l'aurore du XXe siècle. À cette tension cérébrale, la raison chancelait. Il ne restait que l'idée fixe du sectaire. Les scrupules de sa sensibilité et de son bon sens étaient emportés. Rien ne devenait plus facile que la réalisation de ce monde nouveau. Il avait tout prévu. Il en parlait comme d'une machine qu'il montrait en 2 heures. Et ni le feu et ni le sang ne lui coûtaient. « Notre tour est venu », lança-t-il dans un dernier éclat. « C'est à nous d'avoir le pouvoir et la richesse ». Étienne Lantier dans Germinal. Alain Pagès, il faut que nous terminions cette conversation sur Zola devant le capitalisme de son temps et son actualité aujourd'hui en évoquant ceux qui se sont attelés à l'effort de le modifier ou même de le surmonter ou de le dépasser. Le capital dans Germinal est relégué, je cite Zola, dans une sorte de tabernacle reculé de Dieu vivant et mangeant les ouvriers dans l'ombre. D'ailleurs, le puits s'appelle Le Voreux qui évoque phonétiquement et sémantiquement la voracité. Le puits est vraiment un monstre qui dévore les hommes d'une gueule plus ou moins gloutonne. Oui, le puits est un monstre, comme la bourse d'ailleurs est un monstre, et Zola pose le personnage d'Étienne, qui est un personnage qui pense le futur, qui le pense d'une façon un peu maladroite. On parle de sectaire, hein, c'est le terme que le roman emploie, mais en même temps, Étienne est ce personnage qui annonce le développement futur de l'œuvre de Zola, qui sera de plus en plus en train de méditer sur la question du socialisme, des possibilités qui sont offertes à la pensée de cette fin du 19e siècle, de dépasser justement le capitalisme pour imaginer un autre monde. C'est avec Germinal qu'il rencontre le marxisme, la question du socialisme. Il rencontrera à nouveau cette question un peu plus tard avec la Terre en 1887. Et cette question sera de plus en plus importante dans le cycle qui suivra les Rougon-Macquart, le cycle des Trois Villes, où l'on voit dans Paris notamment le dernier roman des Trois Villes, une véritable réflexion sur les différentes possibilités que le socialisme offre. Et tout cela ensuite conduira à une autre étape de l'œuvre, la dernière étape, celle des Évangiles, où là sont mises en place les solutions pour le futur avec fécondité et avec travail. Travail qui est une sorte d'anti-germinal, de dépassement des contradictions du capitalisme dans un monde idéal qui est inspiré de Fourier, où Zola résout véritablement le problème de l'affrontement entre le capital et le travail. Oui, Fourier, considérant, il rejoint le socialiste qu'on a parfois appelé utopiste. Exactement. C'est la solution qui est la sienne. Il est d'ailleurs assez critique vis-à-vis du collectivisme, c'est-à-dire du marxisme lui-même. Il le dit dans des pages qui sont assez belles à la fin de ce roman Travail, qui est donc le deuxième Germinal, si je puis dire, le dépassement de Germinal. Il envisage le caractère totalitaire que pourrait devenir le collectivisme, et c'est la solution qui est la sienne, celle du fouriérisme, au contraire, du socialisme utopique qu'il défend. Oui, comme l'avers et le revers d'une médaille, on ne peut pas faire le départ entre, d'une part, cette description du capitaliste. Nous avons montré qu'elle était ambivalente, en tout cas au début, un mélange de critiques violentes et d'intérêt pour son dynamisme. Et puis, d'autre part, à mesure que le temps passe, la description d'un autre monde possible, comme si la sévérité de Zola s'accroissait, s'il lui revenait de réfléchir à un autre modèle. Est-ce que c'est tout à fait dépassé ? Je ne pense pas. Non, je pense que la fonction de la littérature est justement d'être utopique ou prophétique, d'essayer d'imaginer des mondes qui seraient positifs. Alors aujourd'hui, la littérature est peut-être beaucoup plus dans l'idée de la catastrophe ou du pessimisme. Il me semble que la littérature qui pense le réel est une littérature de la noirceur. Zola nous offre en tout cas, à nous de méditer, au début du XXe siècle, des romans qui se projettent vers la fin du XXe siècle et qui imaginent, au moins avec travail, je pense que c'est réussi, une autre société. Tout cela en même temps étant posé comme un rêve, comme un rêve pour la réflexion. Un rêve qui fait pendant cette sorte de réalisme de son regard en face de la bourse du capitalisme de son temps. Oui, c'est-à-dire qu'il dépasse ce qu'il a fait dans les Rougon-Macquart. Les Rougon-Macquart, c'est au fond le passé, ce second empire qu'il regarde et qu'il condamne. Et là, il voit avec les trois villes, donc le cycle qui suit, et surtout les évangiles, il n'en écrit que trois, il voit le futur, il le pense de plus en plus fortement, il le pense aussi à cause ou grâce à l'engagement qui était le sien dans l'affaire Dreyfus. La bataille terrible de l'affaire Dreyfus, cette erreur que la société a conduite tout au long de l'affaire Dreyfus, tout cela le pousse à imaginer justement la solution à ces erreurs à travers ces romans de vérité et de justice que sont ces évangiles. Voilà, il annonce un monde futur, une France qui serait véritablement libérée de ces erreurs dont l'affaire Dreyfus a donné le plus terrible des spectacles. C'est d'ailleurs cet aspect de Zola que célèbrent la plupart des discours qui sont tenus à l'occasion de son transfert, du transfert de sa dépouille au Panthéon, quelques années après sa mort. Juin 1908, on rejoue en quelque sorte l'affaire Dreyfus, il y a une opposition très forte. D'ailleurs, à la panthéonisation de Zola, Barrès va hurler à la chambre en disant qu'il est scandaleux de mettre Zola à côté de Hugo, dans la crypte du Panthéon. Jaurès s'oppose à lui dans un magnifique discours qui défend Zola. Et Clémenceau aussi, président du Conseil. Clémenceau a soutenu Zola d'une façon extrêmement forte en 1906, juste deux ans avant. C'est lui qui a permis que les cendres de Zola soient transféré au Panthéon. Donc, Jaurès, Clémenceau, bataille une dernière fois dans une affaire Dreyfus qui se rejoue en juin 1908, au moment du transfert des cendres de Zola au Panthéon. Et ils installent définitivement Zola du côté du parti du mouvement, comme on disait au XIXe siècle, plutôt que du côté de l'ordre établi ou de certaines façons d'admettre les ressorts du capitalisme, qui a peut-être été la position de Zola au début et par rapport à laquelle il a pris beaucoup de distance, non ? Toute l'évolution de son œuvre le montre, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de réfléchir, qui essaie de dépasser les contradictions et qui va le plus loin possible dans, une pensée qui résoudrait les problèmes posés par le capitalisme. Je vous sais gré, Alain Pagès, d'avoir pu montrer à nos auditeurs la complexité du personnage d'Émile Zola. Après tout, un romancier qui est manichéen ou trop simple ne peut pas faire de très bonnes œuvres. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce propos. Tout à fait d'accord. Vous avez publié plusieurs livres, je n'en cite que quelques-uns. Les autres se trouvent bien sûr sur le site de l'émission. Zola et le groupe de Médan, nous n'avons pas évoqué le Médan, mais c'est les naturalistes qui se retrouvent dans sa maison. Histoire d'un cercle littéraire. Perrin, 2014. La maison est un musée. La maison vient d'être restaurée grâce au mécénat de Pierre Berger. Elle sera, dans les années à venir, un grand musée littéraire. Vous avez publié avec Owen Morgan, qui est un autre spécialiste de Zola, un guide Émile Zola, paru chez Ellipse en 2002. Et alors, nous avons évoqué le grand personnage des études sur Zola avant vous, c'est-à-dire Henri Mitran, qui a publié la biographie majeure de Zola en trois tomes chez Fayard, 2001, et puis qui a édité, nous l'évoquions également en conversant tout à l'heure, les carnets d'enquête d'Émile Zola, qui étaient restés inédits dans la collection Terre humaine, chez Plomb en 1986, que l'on trouve en ligne sur Gallica, l'admirable site de l'admirable Bibliothèque nationale de France. Vous pourrez retrouver une bibliographie complète, plus large encore, sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez, je vous y engage ardemment, écouter, réécouter et télécharger cette émission. Je reviens du Québec, on m'interdit absolument de dire podcaster. Samedi prochain, nous parlerons des prix littéraires. C'est la saison, avec Jean-Yves Mollier. Prix littéraires, émergence d'un pouvoir. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le précieux concours de Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Patrick Molinier, comme chaque samedi, avec à la prise de son Nicolas Slimani, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Clary Monac et Marthe Laurent-Clotilde. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.